La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 7 mai 2017. Alors, La Croche-Oreille, pour vous le rappeler, c'est l'émission entièrement dédiée aux sonorités nouvelles et tout à fait imprévisibles. Alors, ce soir, j'accueille deux artistes de l'étranger, le français Laurent Bigot, à propos de son spectacle intitulé « Le Petit Cirque » et le Danois Christian Skut qui séjournait en résidence de création sonore chez Avatar en février-mars dernier. Dans le ventre du poisson. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, du séjour des morts, j'écris, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, tu as entendu ma voix, mais je crains, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, tu m'as jeté dans la va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, flash à mer, va, nu, pied, soit, froid, roi, cri, tête, squid, flash, tous les flots ont passé sur moi. Va, nu, va, nu, tarpine, bord, plume, tête, moi, va, nu, va, nu, va, nu, l'abîme m'enveloppe. Faut toi, les vannes, toi, vois, moi, m'y vois, toi, nu, tête, va, nu, pied, va, nu, prends trois soins, nu, mourage, va, crier, cœur, lanterne, poisson, vert. Les roseaux ont entouré ma tête, mèche-toi, nu, vois, ma, va, moi, va, nu, va, nu, mais cries-tu, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, flèche, phare, toi, miroir, plume, mais moi, toi, vers moi, airway, flanche, tu m'as refait remonter, vivant de la fosse, tête, pour toi, grise, au roi, scrum-moi, au revoir, là, au revoir, visse, isse, roi, ampli, l'éternel par là, ou poisson, t'as plat, flèche-toi, fiche, t'as plat, flash, l'onni, nu, vers moi, vers moi, flèche, frost, et le poisson vomit, Jonas, sur terre, nu, va, toi, malage, tête. Alors, on vient d'entendre « Avis de tempête », c'est l'avis numéro 9 de Georges Apergis. C'est interprété par l'ensemble Ictus. Alors, ça nous met dans l'ambiance pour cette rencontre que j'ai réalisé au mois de février dernier, une rencontre chaleureuse avec le musicien, créateur sonore et performeur Laurent Bigot, qui présentait son petit cirque au Musée national des beaux-arts de Québec. Laurent Bigot, alors, propose au jeune public, puis on doit dire au public moins jeune aussi, et ça depuis plusieurs années maintenant, un spectacle fabuleux au cours duquel il anime une série d'objets dérisoires et de jouets sur une piste de cirque minuscule. Une piste bricolée pour en faire surgir des sonorités qui nous replongent en enfance. Aussi bien dire ça aussi simplement que ça. Le petit cirque de Bigot est une performance ludique, c'est très poétique. Il puise aux sources les plus triviales de la création sonore, des bruits, des frottis, des pulsations qui chevauchent des vibrations, des roulements, parfois des cris, des chuchotements qui accompagne l'entrée en scène de ces personnages jouets. Des personnages que Laurent manipule avec beaucoup de précision, beaucoup de doigté, pour le grand plaisir des yeux et des oreilles. Alors, il est saxophoniste, compositeur, improvisateur, performeur. Ce Laurent Bigot, qui s'intéresse depuis longtemps maintenant à la rencontre des langages sonores, qui parsème nos environnements quotidiens. Le petit cirque en est vraiment l'incarnation parfaite. C'est un spectacle qui semble échapper à l'usure du temps. C'est un spectacle qui est plein d'humour, qui est plein de tendresse. Et on écoute Laurent Bigot nous parler de son petit cirque et de cette carrière d'artiste qu'il mène depuis maintenant plusieurs années. Laurent Bigot, bienvenue à l'accroche-oreille. Merci. Laurent, vous présentez un projet dans le cadre du Mois Multi qui s'intitule Le Petit Cirque, mais avant d'aborder Le Petit Cirque, j'aimerais que vous me parliez de vous, de vos origines artistiques. D'où venez-vous? Ouais, je crois que j'ai eu des premières amours musicales assez banales. Ça allait, la chanson française ou anglaise, des tas de choses. Mon père était très mélomane et il pouvait me faire écouter du Stockhausen, voilà. Et puis bon, moi je me rappelle plus tellement de ma réaction. Enfin, il y avait un peu cet environnement-là. Où il écoutait aussi beaucoup de classiques. Bon, à l'époque, ça me barbait un peu, ce qui a changé depuis. Et puis, je sais pas, autour de 14 ans, je me suis passionné par le jazz, au grand dam de tous mes copains, plus rock. Voilà. Donc, j'avais de nouveaux amis, et puis le saxophone, c'est parti un peu de cette passion. Et puis, je me suis passionné pour le jazz de manière un peu historique, et puis assez rapidement, j'ai été intéressé par tout ce qui était plus free, et puis après par ce qui était musique improvisée qui venait pas forcément des États-Unis, voilà, toutes les branches musique improvisée, peut-être européenne ou en tout cas pas jazz. Voilà, et puis j'avais un grand intérêt aussi pour la musique contemporaine, plus classique. Vous aviez des sources d'influence, des préférés en musique contemporaine? Vous avez parlé de Stockhausen. Oui, alors Stockhausen beaucoup, je ne sais pas si c'est de la faute de mon père. Et donc je citais Aberkis, que je suis beaucoup apprécié. Bon, Ligeti, il y en a des tas, et puis c'est les périodes. Alors, à un moment, j'écoutais beaucoup Xenakis. Voilà, et puis j'écoutais des gens peut-être un peu moins connus, mais plus jeunes, voilà, qui sortaient des pièces récentes. Laurent, vous aviez une formation de musicien au départ, ou si c'est une formation, comme on dit, sur le tas là? Non, c'est pas autodidacte. J'ai fait, j'ai fait le conservatoire un moment, et puis à l'âge d'étudiant, je suis allé faire une formation dans une fac un petit peu particulière, qui elle s'occupait plus de musique classique et de musique contemporaine. Voilà, mais donc ça c'était il y a un bon moment maintenant, il y a 35 ans. Voilà, ça c'est mes études musicales, ça ressemble à ça. Et puis après, bien sûr, il y a des tas de choses qu'on fait sur le tas de toute façon, quoi. Le petit cirque, c'est né comment? C'est une histoire de hasard, ce petit cirque, ou si c'est un projet qui a mûri tranquillement? Ah, c'est les deux. Et c'est la conjonction de plein de choses. Donc, en plus du saxophone, j'ai une pratique électroacoustique. Maintenant, en France, on dit plus acousmatique. Bon. Ou musique concrète. Et c'est une musique que j'élabore en studio, ou bien que je travaille à jouer en direct, en live, avec différents dispositifs. Alors après, pour le petit cirque, c'est parti un peu de ces histoires de dispositifs. Moi, j'avais envie de travailler sur des sons que je ne produisais pas, qui existaient déjà, qui étaient en cours, et puis que moi, j'avais envie de mixer ces sons. J'ai fait plusieurs essais et finalement j'ai trouvé ça pratique d'avoir quelque chose de petit, pas les sons qu'on pouvait attendre qui se passeraient dans la nature, dans la ville, et puis d'essayer de faire un truc avec ça, ça posait des problèmes de captation, Et donc, j'essaie de trouver des objets qui fassent du son tout seul et qui prennent pas trop de place et que je puisse sonoriser. Et là, assez naturellement, je me suis intéressé aux jouets, aux petits jouets mécaniques. Donc. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Et puis, d'un autre côté, j'étais aussi intéressé par des tas de choses en théâtre musical. Voilà, j'étais très intéressé à l'époque par travail de gens comme Apergis, Kagel, et puis d'autres peut-être plus récents, plus actuels. Quoique Apergis, il continue toujours. Voilà, et puis tout ça, ça mijotait un peu dans ma tête. Après, j'ai eu une commande de musique sur un projet autour du cirque. Enfin, tous ces trucs se sont mélangés. Et puis, dans tous ces objets que je sonorisais, tous ces jouets, je trouvais qu'il y avait des trucs qui faisaient des choses assez marrantes. Et bien, petit à petit, j'ai commencé à concevoir une piste de cirque où ces objets, donc, qui sont des jouets différents, mais à l'époque, ça représentait souvent des animaux. Donc voilà, il y avait cette idée du cirque aussi. J'avais un haut-parleur qui faisait sauter des objets avec des fréquences basses, donc pour moi c'était trampoline. Voilà, donc pour plein de raisons, j'ai pris ce thème du cirque, mais ça aurait pu être un autre thème. Et puis je me suis pris au jeu. À l'époque, j'ai fait ça de manière très... c'était un peu un hobby. Voilà. Le soir, après avoir fait de la musique un peu sérieusement, je faisais mon cirque. Et je me suis retrouvé dans une espèce d'histoire où ça me rappelait quand j'étais gamin, que je bricolais, que je collais deux trucs en même temps. Voilà, et puis je me marrais à faire ça. Et puis j'ai commencé à montrer ça à des amis. Et finalement, ils m'ont dit peut-être que tu peux le montrer à des gens, ça. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et puis après, ça s'est développé. Et j'ai toujours changé un peu comme un vrai cirque, quoi, où il y a des artistes qui partent à la retraite. J'en prends d'autres, plus jeunes. Oui, oui. L'évolution du petit cirque, Laurent, vous l'avez un peu abordé, mais quelle serait la grande différence entre la première version du petit cirque et l'édition de maintenant? C'est l'ajout de personnages, l'ajout de jouets ou une... Non, c'est l'attitude, c'est mon attitude vis-à-vis de ces choses-là, parce que j'entrais dans un univers où j'étais pas, moi je suis pas plasticien, la scène pour moi c'est d'abord le son, là je montrais quelque chose également à regarder, des objets qui donnaient à la fois à voir et à entendre. Et donc, je crois que j'ai mûri là-dessus, je sais plus ce que je veux, ce que je veux pas ou ce que je veux plus. Et petit à petit, il y a des aspects que j'ai développés de plus en plus et qui n'étaient pas spécialement... Alors bien sûr, il y avait toujours le choix de ces objets, mais s'affiner ce que je voulais montrer, quoi. Mm-hmm. Thank you. Laurent, le petit cirque a beaucoup voyagé jusqu'à maintenant. À partir de Québec, il y a de prochaines destinations en vue? J'arrive pas à m'en rappeler. Je crois qu'il y a le milieu de la France, un département où il y a très très peu de gens qui habitent, qui s'appelle la Creuse, et où il y a beaucoup de gens qui vont s'installer parce que c'est pas cher du tout et on peut avoir des belles vieilles maisons. Voilà, et il y a des musiciens improvisateurs qui sont installés là-bas et qui organisent un festival de musique improvisée, expérimentale, et qui m'ont invité. Et voilà, alors ça, je ne sais pas si c'est le prochain, mais c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit. Laurent, est-ce que le petit cirque, est-ce qu'il est cristallisé? Est-ce qu'il va se transformer, selon vous, dans les prochaines années? Ou si on a là comme l'essence là, de l'aboutissement d'un travail tout de même de... Alors, bon, c'est certain qu'un projet qui date de 15 ans, moi, évidemment, j'ai un peu envie de partir sur d'autres... sur d'autres choses. Je suis parti sur d'autres choses pendant ces 15 ans aussi. Voilà, et j'aime beaucoup ce spectacle parce que, comme il y a une espèce de part d'aléatoire où il faut toujours réagir, donc c'est toujours dangereux et je me lasse pas. Je pourrais dire que j'ai l'impression d'apprendre à toujours mieux réagir en cas de pépin ou en cas de non prévu, hein. Il y a une part écrite, une part improvisée. Et donc, est-ce que je veux le faire évoluer? Je pense que, à ce niveau-là, je préfère partir sur des choses complètement nouvelles, et puis fouiller tranquillement ce spectacle qui a la chance d'être toujours demandé, quoi. Voilà, d'affiner, de... Mais le... continuer à le changer, comme j'ai pu faire pendant des années... à chercher toujours de nouveaux numéros sonores. Je crois que je préfère partir franchement sur du neuf. rend... J'ai vu le petit cirque aujourd'hui, c'est un jouet artistique vraiment formidable. Et je voulais vous remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Eh bien, merci à vous. Et puis, on a l'espoir de vous revoir à Québec bientôt. Ben, j'espère aussi, j'adore venir au Québec. Voilà ce qui complète la rencontre avec Laurent Bigot. Je vous reviens en seconde partie d'émission avec une rencontre avec l'artiste danois Christian Skut. Personne n'est pressé de couper le son. C-K-R-L. Quand, comment, pourquoi. Point QC. Il y avait là-dedans l'orgueil de celui qui a fait son chemin. Point CA. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, nous voilà de retour pour une seconde partie d'émission. Alors, je vous propose cette fois une rencontre avec Christian Skut, qui était en résidence de création au Centre d'artistes Avatar en février et mars dernier. Christian Skut, c'est un artiste danois qui s'intéresse tout particulièrement aux relations qu'on pourrait qualifier, en tout cas qu'il qualifie d'invisibles, les relations invisibles qu'entretiennent le corps et le son. Il a développé de nombreuses installations sonores qu'il conçoit comme des laboratoires, au sens large du terme, des laboratoires qu'on pourrait appeler de perception. Alors, comme il nous le raconte en entrevue, sa nouvelle création intitulée ITER s'inspire des travaux qu'a mené le russe Léon Térémine sur les ondes électromagnétiques au début du 20e siècle, des travaux qui ont mené à l'invention du Térémine, ce premier instrument de musique électronique qui exploite justement les ondes électromagnétiques. mais des recherches de Theremin qui visaient tout de même à l'origine la création de systèmes de détection qui intéressaient tout particulièrement le monde militaire. Alors voilà, vous savez, vous avez tout ce qu'il faut pour décoder les propos de Christian Scutt qu'il nous livre dans la langue de Shakespeare. Tout ça émaillé d'extraits de sa production sonore récente. Alors on écoute Christian Scutt. Christian Scutt, bienvenue à La Croche-Oreille. Thank you so much. Christian, vous réalisez actuellement une résidence chez Avatar. J'aimerais que vous me parliez de votre travail sonore en général et de votre résidence ici chez Avatar. Yeah, sure. And thank you for inviting me. I work with sound. I have a background in music that led me into this world of, you can say, sound art that I'm working in today. It's somewhere in between music and visual arts, I guess. And in my work, I usually have a lot of emphasis on the space. The space is of utmost importance in my work. I often work site-specific, so take a certain space in consideration, and the piece is usually created from that concrete space. And I'm very interested in our perception, you can say, the way we as human beings see and experience the world. For inspirations, I think it's for me it's difficult to answer because there's so many. It's really If it's music or some more conceptually, I think John Cage is of course very important. He did a lot of really really important work that's influencing the world today still, and the same with Alvin Lucier, for instance, and so on. The project I'm doing here, it's currently the working title is called Ada, meaning either, I think in English, which is a thing that scientists used to believe was connecting everything in the air. You could not see it, but it was connecting things. Mm. And it's a somewhat basic study in electromagnetism, using Lev Theremin, the Russian scientist and inventor, and also musician, as a source of inspiration. I've been working with him earlier in previous works, and now this is a further development of some of these concepts. And here for this specific piece, I'm trying to take his maybe most iconic invention, this the theremin, the musical instrument, and take that as a, you can say, as a sort of source of inspiration for this piece. But it's not. I'm not designing a musical instrument. I'm designing a, you can say, I'm taking this this idea back to the original idea, as Theremin was not trying to create a musical instrument. He was actually trying to create some kind of surveillance equipment. So I'm taking the you can say the instrument back to the original idea, and then creating a. As somewhat of an immersive environment of electromagnetic signals that turned into sound. Christian, est-ce que ce travail de résidence va aboutir dans un projet d'installation? Yeah, it is for an installation, and now it's just the beginning of the project. So I've been doing a lot of research here and working with different sort of antennas and circuitry. And then in the summer, there's gonna be an exhibition in Spain, and it's a part of this ANCAC, this network of audiovisual creation, European Network of Audiovisual Contemporary Audiovisual Creation. It's a long name. But I hope also to come back here to Quebec and to Canada to show some of my work. Christian, j'aimerais vous entendre sur la vie artistique au Danemark, notamment dans le domaine des arts sonores. I think it's somewhat of a small community and it's not really connected that strongly, but it is a sound is a thing that's really exploding these days. More and more people are working with sound, and many people who have been working with maybe sculpture for their whole career, all of a sudden they start to incorporate sound as well, and so it's changing. But I think the community is not really connected, and it doesn't feel like a unity. But I think it's too small for that. Somehow it is just a handful of people. Vous quittez bientôt, la résidence s'achève. Quels sont les projets là, pour les prochaines semaines, prochains mois? Actually, I just now it's a bit strange because I'm here in Canada now. But actually, yesterday I just started a residency in Sweden. technically, so I'm going to leave soon. Also, it's a place called IAC Inter Arts Center. That's a part of Lund University, and they have. It's a really interesting place because it's both the visual arts department, also the music performative arts department. That's they have this center mm-hmm. Where they have experts from different, you can say, the different genres. So I'm gonna work there for 2 months, creating some new works, and it is actually in relation also to the work I'm doing here. So I will bring also my antennas that I've been experimenting here to Sweden and. Yeah. Christian, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Yeah, merci and thank you so much for inviting me. Alors, ainsi s'achève l'accroche-oreille sur cette longue tonalité infinie de Christian Scut. Alors, c'est une pièce qui s'intitule Works on Uncommitted Crime, donc travail sur ce crime qui n'a pas été commis. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur notre site, l'accroche-oreille.wordpress.com, pour retrouver tout le détail des pièces entendues ce soir, et ainsi que des informations sur les projets qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine au 89,1 CKRL. Et puis, d'ici là, soyez attentifs aux sons qui sont autour de vous. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.